Vous avez entendu? C'est un pas qui fait trembler la terre. Je commence à être vraiment inquiet. Dépêchez-vous. Passe les portes du parc, bienvenue dans Jurassic Rap. Ici rien à voir, mais même si je te Jurassic Rap, on remet sans cesse à l'épreuve le parc et son enceinte. Augmente son de l'enceinte, dans son mic, laisse mon empreinte. Tu verras que c'est en direct, en bidex, ton main en titexte. J'efface un T-Pex, direct, qu'on rappe le grand T-Rex. J'touche pas à l'herbe, 100% carnivore, ça me fout la gerbe. Même si je dévore, en portant d'herbivore, on voudrait nous cloner. Pareil que l'uniforme, il te rapporte. Uni pour niquer la porte, ma horde va te sectionner la horde. Nique l'élite de ce pays, plus d'appétit qu'un étoile de cul, pensionnaire de l'Elysée. Carrez-vous vos diplômes au cul, ça fait la brinque, ça ripaille. Alors qu'en bas ça flingue, ça mitraille. Joue pas le dingue, ça pas la tiraille. Les deux valdins, comme la foutaille. Le rap, on le frappe à la batte. Mais qu'on sera pas à battre si le bis te rattrape. Sache que nous on te rattrape, jamais on obéit aux ordres. Quand on sort entre dinosaures, rap grave dit aux autres que Sarko interdit nos arts. Les gardiens sont vêtus de bleu, ils ont des matraques et des guns. Si t'en attrapes un, bute-le, ils aiment pas les jeunes qui déconnent. Alan Grant l'a bien compris, on n'est pas canalisable. Demande aux mecs sortis de son prix, y'en a pas un cannabis tard dans cette jungle urbaine. Le climat est inhospitalier, survivre est une dure peine quand t'as ni aide ni boss à qui t'allier. Il paraît qu'on a repéré des animaux préhistoriques par 12 heures de droite dans les parages. Comment peux-tu croire des conneries pareilles? Je déteste les animaux préhistoriques par 12 heures de droite, bordel. C'est de la merde mélangée comme ça partout, c'est politique. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre. C'est un flashback de 65 millions d'années. Et ce rap clash tac, c'est 65 millions d'années. J'aurais du sang sur les saves après ce rap de tyrannosaure. Mes victimes c'est simple, sélection par tirage au sort. Rapide comme Vélociraptor, la lame suit Vélociraptor. Qui m'a ravéros, mais moi de fort. Celui qu'ils veulent Oxyrator, nous voit être prédateur que proie. Première chose à apprendre de ce monde, la vie ne tient à rien. On peut te l'apprendre en deux secondes, y'a trop de mammifères. Tu voudrais jouer les grands reptiles, j'ai encore du mal à m'y faire. Putain c'est merde à l'écran reptile, ça parle misère, galère. Dans des clips à budget monstre, mais t'inquiète avec leur salaire ils pourraient s'acheter les buts de chaumont. J'ouvre ma gueule l'écran en avant de la potion magique, j'ai bu le chaudron. J'arrêterai de faire du rap le jour où les buts chaumeront. Enfermé le sang qu'on est tout frais donc on a fait sauter les clôtures. Je rêve d'un monde qu'on est tout près sans haine, sans télé ordure. Pendant que les volcans crachent des flammes, 2 millions d'yeux décrochent des larmes. Pendant que les cops raccrochent son arme, d'un corps décroche une arme. Des hausses des passages orageux, le ciel est rouge et nuageux. Dédie ce passage orageux, t'as passé là, je joue plus à ce jeu. Parce que tout est éphémère, même ce texte ambiance coupe gorge. Au final, c'est que de l'air, même durée de vie qu'un rouge-gorge. Faut aller à l'essentiel, retour aux sources où tout se forge. Et puis merde, ce monde est mort, nique sa mère, bouge, choche. Rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Si, complètement même. Hein? Et casse-toi maintenant. N'hésite pas, ça, c'est quoi l'organisation là? T'en merde, t'as un gros connard. Oh là là là, attention, hein, tu vas trop loin là. Mais tu ne connais pas que ça va être un massacre, un vrai cauchemar. Moi je vais te dévisser la tête et je vais te tuer dans le cou. Le Celsius monte en flèche à chaque strophe que je lâche. Un rap speed comme flash, catastrophe quand je me fâche. 30 cm par canine, la haine en guise d'alcaline. Nique les violeurs de gamines, je canne les skins à coups de paramine. Avec un bout de carabine, les vendeurs de sacs à farine. Roster de poudre à narine, à pas prendre pour de la saccharine. Loin des tripes techno-baragouines, échappe pas chaîne rue Sainte-Catherine. Loin de ce que c'est techno-baragouine, mes skins, qu'est-ce que tu baratines? Ma technique étouffe, reptile terne et stégosaure morne. De même que CMC que je bouffe, saignant comme un stégosaure molle. Lyrical coup d'envoi, un saut parfait pour le dance floor. Dernier rappeur sans froid depuis que j'ai immolé Denver. Quand je te vois angoissant, entre dans ton cerveau humain, c'est que le 9-330. Bien que l'horreur humaine, c'est la fin pour Sarko. Tout comme pour Chirac d'ailleurs. Je vais tellement baiser la France qu'elle va regretter Mac Taylor. C'est le fire, v'là le reptile, briseur de carrière. Qui se désurveille tes arrières, car les cailles brûlent tes carrières. Tu roules jusqu'à pointeur et fais la chasse aux junkies. Occupe-toi plutôt des pointeurs, tu finis par de la face aux jeunes filles. Les jours nous sont comptés, de la planète s'approche l'astéroïde. Tout ce qui nous reste à becter, c'est des plaquettes de stéroïdes. Mec, y'a pas de cachette, dans ce monde où la mort s'achète. Faut qu'elle m'achève à la machette avant que je le fasse à la gâchette. Dernier mot? Non, mon dernier mot c'est... Ferme ta gueule, t'auras chaud aux dents.